remettre. Si je te pardonne, si j'oublie. Quand je sais pas, je la mets en sourdine. Dans cette jungle, je suis moubli. Je veux voir ma petite en Gucci. Moi, c'est Azix, pas un outil. Tes potes mangent pas gourmandise. Mes potes, leur peine s'alourdissent. Tu parles mal quand tu as du cran. Tu vas t'air petit si tu fais trop le grand. Je te plains si tu fais trop le con. Un peu toi de camp, je fais danser la polka. J'ai compris le manège. Fais le méchant, maintenant on te l'allège. Trop de poids sur mon dos, faut que j'allège. Ça va faire 3 ans que j'ai pas vu la neige. Je représente les vrais gars. On fait TB, on fait des dégâts. Face à l'état, on se tait pas. On parle de tout, on fait des débats. Je ne joue pas les thugs. J'suis loin des fois j'bug. J'suis loin des fois j'bug. Je ne joue pas les thugs. Je ne joue pas les thugs. J'suis loin des fois j'bug. Laisse-moi te dire que j'en ai hors de cirque. Le plus dur c'est pas d'avoir la voiture, c'est de rester dans le circuit. J'devais demain d'habiter, je choque des potes. Rien que ça fait des biches, la bague sur les côtes. Tu me conseilles mes blagues, tes phrases elles sont fausses. Personne n'est parfait, on peut pas faire sans faute. Trop d'alou, j'dis pas on vit où. Mon quartier I love you. J'me fais vieux et anxieux. On me reconnaît quand j'suis en client. C'est l'hiver, il fait froid, j'fais dormir le tem-tem. L'instru me fait danser au bruit du tom-tom. Illicite, illicite, j'entends pom-pom. Fais gaffe à ta nana, j'crois qu'elle cherche tom-tom. Je ne joue pas les thugs. J'joue pas les thugs. J'suis loin des fois j'bug. J'suis loin des fois j'bug. Je ne joue pas les thugs. Je ne joue pas les thugs. Tu m'aimes pas, tu gires. Tourner, virer, le cœur déchiré. J'ai perdu plein de poteaux sur le navire. Allez, circule, laisse-moi prendre du bon temps. J'ai pu toucher le ballon, ça fait longtemps. Mais viens, enfin, je te fais une virgule.